Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour à tous et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui, comme promis, pour cette saison, on est avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Cécile. Et aujourd'hui également, on est avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Cécile. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, on a décidé de voir grand et le sujet du jour, en toute simplicité, hein, c'est les championnats du monde. Donc c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui, Emma, donc Emma Cornelis du Sport Nautique de Nancy. Puisque tu es rameuse, maintenant je sais qu'on dit comme ça, donc rameuse, tu peux préciser c'est quel sport ? L'aviron. Donc rameuse pour l'aviron. Et donc championne d'Europe U23 depuis 2020, championne de France bateau court depuis 2022, vainqueur de la régate royale de Henley en 2024 et enfin en 2025, vice-championne du monde. Voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vice-championne du monde. Donc maintenant que j'ai planté le décor, je te laisse la parole pour te présenter. U23 en 2020, déjà tu peux peut-être nous dire ton âge ? J'avais 24 ans. En 2020 ? Oui, c'est voilà, ça. Voilà, donc 5 de plus, 29 ? 26. Ouais, ok. D'accord. Je suis pas forte en maths non plus. Et 26, et donc depuis quand tu fais de l'aviron ? Je fais de l'aviron depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé en 4e par l'intermédiaire de mon collège. Il y a un prof de maths qui nous faisait essayer l'aviron sur le rameur, donc c'est à l'intérieur. Ah, ça me rappelle une histoire de Marion. Oui, ça, c'est, voilà. C'était dans le même collège. Vous aviez le même prof de maths. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai été au club et sur l'eau, ça m'a plu. Du coup, je me suis inscrite et... Et puis ça a perduré. Voilà. C'était un bon prof de maths. Hein. Ouais. Ou bon recruteur, je sais pas. Oh, les deux, tout va bien. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc 2025, championne du monde, bah déjà, félicitations. Hein, parce que vice-championne du monde, pardon. Mais félicitations quand même, donc à deux. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être nommer ta collègue. Ezekia Perron. Voilà, du même club. Non, elle vient du club nautique de Libourne. D'accord, mais vous êtes toutes les deux en équipe de France, c'est oui, ça ? Oui, voilà, c'est ça. On a été associés en août ensemble lors d'essais en équipe de France. Oui, donc vous connaissez que depuis août ? Oui, c'est ça. D'accord. Et en plus, la particularité, c'est que on se connaissait pas du tout avant et qu'on a vraiment appris à se connaître sur les 2 mois avant les championnats du monde. D'accord, et donc vous passez 2 mois ensemble ? Ouais, c'est ça. En fait, on est en stage terminal ensemble dans le bateau avec les entraînements tous les jours. Et puis, c'est là qu'on commence à construire le bateau avec beaucoup d'entraînements, un programme assez chargé. On enchaîne les kilomètres. Et puis, à côté de ça, on apprend à se connaître aussi en tant que. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est personne. Bonjour, tiens, voilà ta meilleure amie pour les 2 mois à venir. Non, mais on arrive à faire connaissance en dehors des entraînements, puis à l'entraînement. En fait, au final, on passe. Toutes nos journées ensemble, parce que quand on est en stage comme ça, on est à l'hôtel et pareil, on est dans la même chambre, donc c'est l'occasion de créer du lien. Et là, ça a tout de suite matché entre nous en bateau comme hors du bateau, donc... Oui, c'est mieux. Ouais. C'est plus sympa. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être vice-championne du monde ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Au début, on n'a pas trop réalisé parce que c'était pas vraiment l'objectif en fait. Donc c'était une belle surprise, vice-championne du monde, pardon. Après cette saison, pour pouvoir grand maintenant, du monde, fais-toi l'idée. C'était inattendu, donc on est contente de ce qu'on a fait. C'était pas l'objectif, mais au final, on l'a fait. Donc on a encore plus envie de voir grand justement. Et maintenant, c'est les caps vers Los Angeles 2028. Voilà. Bon, c'était la question finale, ça. Ah. Maintenant, on a l'avant-première. On est... Donc, ça faisait partie de mes questions. C'est est-ce que tu réalises tout de suite ? C'est quand une fois que tu as franchi la ligne, alors peut-être que vous voyez que vous êtes deuxième, mais c'est tout de suite ou pas ? Non, franchement, on réalise pas tout de suite. Enfin, on passe la ligne. Déjà, il faut 10-20 secondes avant de se dire « Waouh, on l'a fait et c'est fini ». Et là, quand on commence à réaliser, on dit « mais c'est pas possible en fait ». Et on est vraiment super émus sur le moment et on a qu'une hâte, c'est profiter toutes les deux et on se serrer dans les bras et se dire en fait c'est ouf ce qui se passe et faut profiter et c'est trop bien et en fait on en était capable et on l'a fait. Et ta première pensée c'est quoi ? C'est on l'a fait et c'est grâce à mon entraîneur. Merci maman, j'ai faim, j'ai soif. C'est quand est-ce qu'on mange ? C'est la première chose que tu te rappelles avoir pensé ? Bah, c'est que le travail paye et qu'il faut toujours y croire. Oui. Et ouais, franchement, pendant tout le stage, c'était un stage qui était dur, enfin, qui demandait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et à tous les entraînements, on a été avec la même volonté, c'est progresser à chaque coup de pelle, en fait. Que ce soit avec, Alors, avec coup de notre pelle, bateau. C'est les rames, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà. Avec l'entraîneur, enfin, il était toujours là pour nous, pareil. Et du coup, ouais, c'est tout le travail qu'on a fait, en fait, qui paye. Et du coup, bah, c'est super cool de voir que ouais, le travail paye. C'est à vivre. Est-ce qu'il y a une différence entre un titre de championne du monde par rapport à un titre de championne de France ou un titre de championne d'Europe? Alors, championne de France, j'ai vu que c'était ton premier titre de championne de France, donc t'en as plusieurs, j'imagine. Oui. Voilà, et donc, ça fait quoi? Ça fait un gap de plus? Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. là, c'est plutôt au niveau international et du coup, bah, ça permet vraiment de se projeter sur l'objectif qu'on vise tous, je pense, quand on est rameur, c'est les Jeux Olympiques. Donc après la déception de Paris 2024 où je me suis pas qualifiée, bah je trouve que j'ai réussi à bien rebondir et repartir de l'avant et Ouais, là ça te remet un pied à l'étrier quoi. Enfin, voilà, c'est c'est vraiment ça. on y retourne. C'est ça. Et puis en plus la médaille fait que ben ça devient encore plus possible et du coup on a encore plus envie d'y aller, de d'ajuster les petits détails pour bah la prochaine fois gagner. Voilà, simplement. En toute simplicité. En toute simplicité. Donc, comme on disait, c'est par équipe. Donc, alors, comment on dit, ta Ma coéquipière, tout coéquipière. simplement ta coéquipière. Ouais. Il y a tout un staff tout autour. C'est quoi l'ambiance? C'est hyper studieux? Il y a des petits moments de détente ou c'est travail, travail, travail, travail? À l'entraînement, c'est plutôt travail, travail. Enfin, quand on a les entraînements, on sait ce qu'on doit faire et là on y va pour pas progresser à chaque coup. Après, en dehors des entraînements, non, il y a des moments où on s'amuse avec les entraîneurs, avec nos autres coéquipiers. Les moments à table aussi, c'est cool, c'est convivial. Souvent, bah après le repas, on reste à discuter. On fait aussi des jeux de société. Enfin, non, il y a quand même une bonne ambiance et je pense que c'est important justement d'avoir cette ambiance en dehors des entraînements pour un peu switcher et pas penser tout le temps à l'entraînement, justement, se faire plaisir à côté et passer du bon temps, parler de plein d'autres choses et... Oui, vous parlez d'autre chose, vous parlez pas Oui. que de la perf et que de Non, l'entraînement et non, non, non. À non. force, c'est chiant, sinon... Voilà, y a On des temps en essaie. soirée Netflix, t'as regardé Ouais. quoi? C'est ça, on fait des mots croisés. Des mots croisés. Ah, vous avez 75 ans en fait. C'est vrai que quand tu vas au lito le soir, ça ressemble Ouais, plus à ouais. ça. Mais on essaie, ouais, de vraiment passer du temps à penser à autre chose que l'entraînement, quoi. Alors donc, parce que dans la préparation, comme on dit, il y a l'entraînement physique, ramé, il y a aussi une partie préparation mentale. Ça, c'est propre à chaque athlète. D'accord. Moi, je suis suivie par une psychologue et préparatrice mentale. Je pense que c'est hyper important pour aller au-delà de la performance physique, en fait, débloquer des choses bah, qui font qu'en course, en fait, on passe la ligne d'arrivée. Deuxième, quand il y a des filles qui paraissent plus fortes, bah, en fait, non, on reste dans notre bateau et on se concentre à deux. Et c'est pas parce qu'elles sont plus fortes physiquement qu'on peut pas y arriver. Donc, la préparatrice mentale, elle aide vraiment à, je pense, pousser ses limites, son curseur pour aller loin et vraiment prendre confiance et en fait, se rendre compte que c'est aussi possible pour nous, quoi. Et donc, alors la préparatrice mentale, ça c'est, elle est propre à chaque athlète. Ouais, C'est c'est toi qui ça. l'as choisie? Bah, on en a plusieurs sur notre centre Ouais. national d'entraînement et... Elles sont nationales quand même. C'est pas, je veux dire, c'est pas ta préparatrice mentale, c'est la même que le reste de l'année pour les autres compètes ou c'est spécifique à Ouais, l'équipe de non, France? c'est la même. C'est la Ouais. même, ouais. C'est la même tout le temps. Donc il y a un petit climat de confiance quand même. Oui, bah, je trouve que c'est important, Ouais, c'est la même. justement, Sinon ça ce qui est matche le pas, quoi. plus... Voilà. Donc c'est ce qu'on disait. Alors il y a le mental et il y a également tout ce qui est diététique et nutrition. Donc c'est là que on arrive la diététique et c'est là qu'on a la spécialiste du genre ici, c'est Julie. Fadjet, défi sport, la recette sportive de Julie. Et comme on n'est pas loin de l'heure du repas, j'ai une question pour toi, Julie. Qu'est-ce qu'on se prépare de bon ce soir? Alors ce soir, vous allez m'adorer parce que je vous ai préparé pour le repas du soir une pizza. On a le droit à la pizza. On a le droit à la pizza. Mais d'une autre manière. Ah. Ok. Donc la dernière fois, je vous avais du coup fait une petite introduction sur le bienfait des flocons d'avoine, sur le porridge, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui s'appelle le cottage cheese, qui est un ingrédient qui est super intéressant à intégrer dans sa routine alimentaire, surtout quand on est sportif, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une excellente source de protéines. On est à peu près à 12 à 15 grammes pour 100 grammes de cottage cheese, donc c'est énorme. Là, la recette que je vais vous proposer, elle va être très simple, et on est à peu près sur 50 grammes de protéines pour la pizza. Alors, c'est une pizza pour combien ? Tout seul. Ah oui. Mais elle est pas très grosse, hein. C'est vraiment, là, je vais elle donner est merveilleuse, cette recette. Mais elle est merveilleuse, et pour toi tout seul, tu la partages pas, celle-là. Donc tout simplement, vous allez prendre du cottage cheese qu'on peut retrouver maintenant partout, ça se fait comme bien maintenant. 200 grammes de cottage cheese qu'on mélange avec 2 œufs, 34 grammes de farine, je vais y arriver. Vous mettez ça au four ou air fryer, peu importe, pendant 15 minutes à 180 et vous avez en fait la base de votre pâte à pizza. Et en fait, c'est ce qui va venir vraiment remplacer la pâte qui, pour elle, est très calorique, trop grasse, etc. Vous mettez les garnitures que vous voulez. Vous pouvez y aller. Sauce tomate, un peu de crème fraîche légère, jambon, jambon teinte, ce que vous voulez, tomate, etc. Et vous remettez au four pour... Du gruyère, on a le droit du gruyère ? Allez, un tout petit peu. Un tout petit peu, allez, un tout petit peu, ça reste un peu gras. Pas assez de gruyère. Donc là, on va vraiment avoir en fait justement cette base de pâte à pizza qui est super intéressante pour la récupération musculaire. Elle va aussi être assez consistante, donc du coup, on va avoir vraiment un effet de satiété. En fait, on aura plus faim alors que finalement, on est vraiment sur à peu près 50 grammes de protéines. Et la pizza, elle fait à peu près 600 calories en tout. Ah oui. Alors qu'une vraie pizza, en réalité, c'est peut-être 1500, je ne vais même pas vous dire. Beaucoup c'est plus. Beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, ça va être intéressant pour les gens justement qui contrôlent les calories. Chez les sportifs, c'est assez souvent. Donc on contrôle un peu notre taux de protéines et les calories. Et voilà, pauvre en graisse et, voilà, et tout ce qu'il faut. Et on reste quand même une petite pizza pour le soir. Donc ah, c'est cool. Sympa, la pizza. C'est sympa. Emma, t'en penses quoi ? Tu cuisines de temps en temps ? Ouais, j'aime bien cuisiner, mais franchement, ça a l'air sympa, hein. Recette à tester. D'habitude, c'est pizza classique, gruyère. Ouais, plutôt classique. Voilà. Mais... Et de côté de cheese, ça te tente ? Ouais, franchement. Intégrer dans la routine ? Ouais. Très ça bien. Ça va être pas mal. Et ben, pendant que ça cuit, on peut écouter un peu de musique. Donc, Emma nous a choisi un titre, je te laisse le dédicacer. Ah ouais, c'est Usher. C'est un titre que j'écoute beaucoup à l'entraînement, justement. Je trouve que. C'est le titre motivation ? Ouais, c'est ça qui motive et quand dans les moments durs, j'y pense et voilà. Allez, c'est parti. Yeah! it's ridiculous. In the club looking so conspicuous. And wow, these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinkies valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh, what's more when we leaves them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Ursh got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. De retour dans Défi Sport, nous sommes toujours avec Julie et Emma pour parler championnat du monde. Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Et pour continuer d'explorer le sujet, on va discuter chiffres grâce à la fan des stats qui est toujours tellement, qui est maintenant tellement demandée qu'elle n'arrive même plus à être là physiquement, mais qui continue à nous faire bénéficier de sa passion pour les chiffres, c'est Lise. Fadjet, Défi Sport, l'analyse sans Lise. Alors traditionnellement, les femmes ne peuvent pas battre les records masculins dans la plupart des disciplines sportives, hein, sauf exception de l'ultra-trail où l'endurance prend le dessus sur la puissance. Mais désormais, d'autres records s'imposent, ceux de la visibilité. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc les médias évoquent dorénavant plusieurs exploits féminins en la matière, dont la finale de l'Euro 2022 à Wembley qui a réuni 87 192 spectateurs. Donc le chiffre est assez conséquent. Et non seulement ce chiffre en lui-même est exceptionnel, mais en plus il est supérieur au record du genre pour une rencontre masculine, puisque celui-ci n'est que à 79 115 spectateurs pour la finale de l'Euro d'Espagne-Union soviétique en 1964. Alors, le rapport avec le sujet du jour, les championnats du monde, me direz-vous ? Eh ben, il arrive. Laissez-moi vous poser une question, Julie et Emma. Est-ce que vous courez plus vite que la championne du monde du 100 mètres ? Emma ? Non. Non. Non, non plus. Alors la réponse est immédiate, c'est non. Sauf que vous êtes des filles. Parce que cette question, elle était posée pas à des femmes, mais à des hommes lambda. Qui, comme pour la fameuse, je pense que vous en avez entendu parler aussi, est-ce qu'en cas d'urgence, vous vous sentez capable de faire atterrir un avion ? Ont répondu majoritairement... Non. Oui. Ah. Mais oui. Oui, oui. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et c'est comme ça qu'on s'est récemment retrouvé avec un défi assez improbable. Le youtubeur MrBeast a décidé de présenter 100 hommes contre la championne du monde en titre du 100 mètres, Melissa Jefferson Wooden. Donc pour ceux qui ne suivent pas l'athlée, Melissa Jefferson, c'est un RP en 10 secondes 61 centièmes au 100 mètres. 8 fois sous les 10 secondes 80 centièmes cette année. Donc on est déjà sur du high level quoi. Pour mémoire, le record du monde, c'est Griffith Joyner en 88, 10 secondes 49. Les hommes, bon, c'est Usain Bolt, 9,58, c'est un petit peu plus bas, mais on est déjà sur du high level. Donc, on revient à Melissa Jefferson Wooden, championne du monde cette année, du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. On est donc sur la femme la plus rapide du monde actuellement. Bref, on s'est retrouvé en 2025 avec une championne du monde en titre ultra médiatisée sur les réseaux sociaux, non pas pour sa perf et son titre, mais juste pour justifier qu'elle le courait plus vite que la plupart des hommes. Voilà, c'était la Minute Lise avec tous les chiffres du jour. Défi Sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Alors, vous aviez entendu parler de cette vidéo, Emma Julie, les 100 hommes contre la championne du 100 mètres. Non, ça vous évoque non. Rien. Non, non plus, je ne l'ai pas vu passer celle-là. Non, vous ne l'avez pas vu. Je pense que ça m'aurait énervé. Heureusement que je ne l'ai pas vu passer. Alors, moi, j'ai vu les commentaires d'énervement passer avant la vidéo. Hein. Pareil, Emma, ça te. Non, ça me dit rien, mais. Ouais. T'en penses quoi? Bah ouais, c'est un peu abusé. C'est l'ego, quoi. Voilà, ouais, en fait, ouais. Vice-championne du monde, t'as pas... Enfin, après, c'est... ton titre est récent à toi. T'as pas encore eu de... comment dire, de rencontre avec un homme qui dit « Ah oui, bah du coup, oui, mais c'est quoi ton chrono? Parce que je fais mieux. » Non, pas vraiment. C'est pas trop l'ambiance. C'est choses... pas... Non, c'est un peu non, plus... c'est un peu dur à comparer, en fait, les temps en fonction des bassins et tout. Donc, on a pas trop ce rapport à la comparaison avec les hommes. Il y a pas trop de challenge, hein, non, pas trop. Enfin, pas trop sur ouais, des bassins qui sont très, très changeants en fonction des conditions, du vent... Donc, en fait, c'est impossible à comparer. Donc Sur ce côté-là, vous êtes sauvegardés. Voilà, quoi. C'est ça. D'accord. Donc, du coup, on reparle médiatisation. Et c'est ce que je te demandais en off, c'est ça change quoi, un titre de championne du monde? Au niveau médiatisation, tu as eu des sollicitations? Ouais, on a été un petit peu sollicités au début par les médias, les journaux, l'équipe et l'Est Républicain. Mmh. Après, quand je suis rentrée en France, il y a eu France Bleu Lorraine, donc plutôt régionale. Après, sinon, l'aviron, c'est pas un sport très connu, donc on n'est pas, y a pas beaucoup, beaucoup de médiatisation. On me reconnaît pas quand je vais, si je vais au restaurant voilà, ou en tu ville. Peux y aller tranquille encore, voilà. Encore, ça va, donc. C'est ce que j'avais repris. En fait, c'est pas confidentiel, mais comme discipline, mais il y a 33 000 licenciés pour la Fédération française d'aviron contre. À titre d'exemple, bon, c'est une grosse fédé, mais 330 000 pour l'athlée. C'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a un zéro d'écart. Est-ce que tu penses que pour le rapport masculin-féminin, du coup, c'est un avantage? Comme c'est assez confidentiel, en fait, vous êtes tous à la même enseigne? Oui, voilà, c'est ça. Vu que c'est un sport amateur, en fait, et que les perfs, il n'y en a pas, enfin, c'est quand même assez rare. Il n'y a pas des 5-6 médailles tous les ans. On est à peu près au même niveau, je dirais, qu'avec les garçons. Ouais, mais c'est pas du coup c'est pas dans le bon sens. En fait, c'est vous êtes à un traitement d'égalité mais avec une basse visibilité. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et tu penses que l'accès du sport féminin pourrait justement un petit peu faire médiatiser ce sport en disant bah du coup c'est accessible aux petites filles, venez, n'hésitez pas si avec des titres, ça pourrait un petit peu être plus connu et plus accessible. Ouais, je pense que ça pourrait un petit peu aider. Bah rien que là, avec Octobre Rose, il y a plein d'actions en fait qui sont menées sur le rameur justement. D'accord. Où des femmes, elles se lancent des défis des 24 heures, enfin des distances sur l'ergomètre, sur le rameur plutôt. Et du coup, je sais qu'en octobre, on en entend. Enfin, il y a quand même pas mal de visibilité, ouais. Et ça, c'est cool. Enfin, même les logos de la fédération, ils deviennent roses. Enfin. Donc tu trouves qu'il y a une évolution quand même au fil des ans, parce que du coup, ça fait 13 ans, 26, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu pratiques. T'as senti une évolution quand même? Une évolution plutôt sur le rameur, en fait. C'est l'indoor, l'aviron indoor, en fait. Ouais. Où les femmes, ouais, de plus en plus au club, ils proposent de la V-Fit. Et donc, c'est des séances d'une heure où c'est ça, c'est sur le rameur avec des exercices et de la musique. Et quand c'est je assez passe, ludique. Ouais, c'est assez ludique. Et franchement, je pense qu'il y a 90%, c'est des femmes, en fait. Et du coup, ça fait plaisir à voir que les femmes viennent s'entraîner et elles viennent, ouais, se faire plaisir. Et franchement. Franchement, ça, c'est cool. Et donc, si toi, t'as un message à faire passer en tant que... Enfin, comme t'as commencé jeune, si t'as... Si tu deviens prof de maths, par exemple, est-ce que tu proposerais à tes élèves d'essayer l'aviron? Ouais, franchement, je trouve que c'est une belle école de la vie parce que ça, c'est un sport qui demande de la persévérance, du travail, de la rigueur et les filles sur ça, on a un petit avantage sur les garçons, je dirais. Sur la rigueur. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est un beau sport et pour les filles, encore plus, ça fait développer tout le corps, franchement. Ouais. C'est un sport que je leur recommande. Que tu recommandes. Donc tes objectifs, on en a parlé, JO. Ouais, c'est comment ça. Comment tu vas te préparer? Là, on a 3 ans avec encore des compétitions internationales tous les ans. Et celle qui va déterminer si on se qualifie pour les Jeux, ça sera en 2027. Sur les championnats du monde, il faudra finir dans les 11 premières en 200, justement. Et du coup, là, si on finit dans les 11 premières, on décroche notre ticket pour les Jeux de Los Angeles. Et donc, alors c'est un objectif à long terme, à 3 ans. Oui. Comment t'arrives à te projeter t'y vas par étapes ou Ouais, c'est ça, saison par saison, ouais. Championnat du monde par championnat du monde, mais toujours dans le viseur Los Angeles. Je pense qu'il faut jamais l'oublier et c'est ça qui... la motivation ultime, on va dire. Et alors, comment t'es soutenue dans ton club? Alors, parce que c'est pareil, je disais le comment ça se passe le retour sur Terre, entre guillemets. Alors, il y a les médias, le regard des médias. Est-ce que le regard de... Quand tu es revenu dans ton club, est-ce que le regard de tes coéquipières, il change? Non, je pense qu'il... Coéquipières, coéquipiers. Ouais, non, je pense qu'il change pas, mais je pense que du coup, eux, ils disent que en fait c'est possible, donc peut-être que ça les remotive encore plus justement, et même pour le club, enfin c'est hyper encourageant et ça montre que c'est un bon club qui m'a bien formé en fait. Vous êtes deuxième au niveau national, hein, je crois. Troisième cette année. Ouais. Ouais. Donc franchement, ça fait plaisir et c'est que du plus que du plus en fait pour le club, pour les coéquipières. Moi ça m'a fait hyper plaisir de rentrer après des championnats du monde et d'enchaîner avec elles sur les championnats de France. C'est des filles qui s'entraînent toute l'année, ouais, au quotidien, pareil que moi, je dirais. Donc elles ont autant de mérite et du coup moi ça me fait plaisir de ramer avec elles et ouais, dans toujours une bonne ambiance, bonne dynamique pour garder ça avec le club. Je trouve que c'est important. Enfin, c'est des moments dont on se souviendra toujours, quoi. Et familialement, pareil, tu rentres, t'as le droit à une pizza ou... Ah ouais. Ouais, ma famille, elle était déjà là. Enfin, elle me soutenait sur les réseaux WhatsApp quand j'étais au championnat du monde. Et donc, de les revoir, il y a eu beaucoup d'émotions au début parce que, c'était... En plus, tu les avais pas vus. Oui, voilà, c'est ça. Pendant les deux mois de préparation. Donc non, c'était sympa de revoir tout le monde. Et puis après, ils étaient fiers. Enfin, ils ont toujours été là, en fait, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et quand il y a des bons moments comme ça, c'est encore que des bons moments à passer avec eux. T'es encore sur ton petit nuage. Ah ouais. En même temps, tu nous fais vivre, on a envie d'y aller. C'est clair. Bon, c'est pas une histoire de volonté aussi. Parce que t'en penses, Julie, mais... Non, du niveau plutôt. Défi sport sur Fadjet. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Emma, merci Julie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.